Georges Madeleine. Et voilà. C'est une monstruosité. Exact. C'est une monstruosité. C'est incroyable. Mais c'est comme ça. C'est même un chef-d'œuvre. Eh oui. Il s'approche de la bibliothèque et frappe le dos des livres. Tous ces messieurs qui ont écrit des chefs-d'œuvre, les ont écrits autour d'une petite monstruosité du même modèle. C'est pourquoi ces livres nous intéressent. Il existe cependant une différence. Je ne suis pas un héros de tragédie, je suis un héros de comédie. Ces choses-là plaisent beaucoup, amusent beaucoup, c'est l'habitude. Un aveugle fait pleurer, mais un sourd fait rire. Mon rôle fait rire. Pense donc, un homme trompé, c'est déjà risible. Un homme de mon âge, trompé par un jeune homme, c'est encore bien plus risible. Mais si cet homme est trompé par son fils, le rire éclate. C'est un chef-d'œuvre de fou rire, une farce, une bonne farce, la meilleure de toutes les farces. S'il ne se produisait pas de situation analogue, il n'y aurait pas de pièce. Nous sommes des personnages classiques, tu n'es pas fier? À ta place, je le serais. Nous ne sommes pas au théâtre, je le regrette. Je me torturerais en rêve et l'intrigue serait capable d'intéresser quelques spectateurs. Montrant les marches. Ils ne peuvent pas nous entendre de l'atelier? Vous savez bien que non. Tu me dis vous? Il me serait impossible de vous tutoyer. Pardonnez-moi. À ton aise, et moi qui demande s'ils peuvent nous entendre de là-haut. Tu m'as enfermé là-haut les deux premières fois que ta sœur venait te rendre visite. C'était Michel. Oui. C'est admirable. Et après, tu as trouvé plus pratique de me faire louer un pied-à-terre. Pourquoi continuais-tu? Pourquoi montais-tu? Il fallait vivre. Tu aidais Michel? Oh, Georges, Michel est un enfant. Il était plus pauvre que moi. Je lui payais des cigarettes, des repas. Ici, nous rentrons dans le convenable. C'est moi qui payais. Je gagnais assez avec mes reliures pour me débrouiller seul. J'ai mieux pensé que cet argent lui venait de moi. Il me semblait que le mensonge te rendait folle. Pourquoi mentais-tu? Vous ne me croyez pas, c'est inutile. Toi, une menteuse, à toi! Et vous? Pourquoi m'avoir menti? Vous avez été prudent. Quelle confiance vous aviez en moi. J'ai tout fait chez moi. Je me sentais seul dans le vide. J'en ai souffert, j'ai voulu en jouir. J'ai voulu que cette solitude devienne une chance, qu'elle soit vraie. J'ai triché. J'ai inventé une fable, j'ai poussé le scrupule jusqu'à ne pas te parler de mes marottes. Quand j'étais chez toi, chez nous, j'étais seul au monde, libre. J'oubliais même Michel. Je ne confondais jamais mes deux vies. C'est te dire le coup que m'a porté Michel hier, en m'apprenant la vérité. Et si tu m'avais dit ton vrai nom, tu n'en aurais pas moins rencontré Michel. Je l'aurais évité. Allons donc. Tout au plus devancer notre rupture. Au lieu de recevoir mon congé hier ou aujourd'hui, je le recevais il y a 3 mois. Pourquoi n'as-tu pas eu cette franchise? Vous ne me croiriez pas, je vous le répète. C'est facile. La combinaison t'arrangeait. Un vieux, un jeune. Ah, oh, Georges, n'ajoutez pas de saleté au gâchis où nous sommes. Je vous mentais parce que je vous aimais, parce que je vous aime. Incroyable, oui, Georges. J'ai pour vous une tendresse immense. Naturellement, je ne vois qu'une chose, m'aimais-tu? Je t'aimais, moi. Je t'adorais, moi. Et je te demandais 1000 fois, m'aimes-tu? Et j'ajoutais, c'est impossible. Et tu me répondais, mais non, Georges, je t'aime. Et c'est exact. Georges, il y a des réserves qu'on n'exprime pas, qui se devinent. Il m'arrivait de répondre à vos questions. Je t'aime beaucoup. Vous mettiez en colère. Vous me suppliez. Vous me harceliez. De guerre lasse, je vous disais, mais oui, Georges, je t'aime. Je t'aime tout court. Il ne fallait pas me le dire. Ces derniers mois, quel cauchemar. J'ai tenté l'impossible pour vous ouvrir les yeux. Vous ne vouliez rien voir, rien entendre. Je me rongeais. Vous vous obstiniez dans votre attitude, contre toute sagesse, contre toute gentillesse. Vous, hé, il était trop tard, petite malheureuse. Si tu m'avais dit à temps, je ne t'aime pas, j'essaierai, tu dois attendre, mais tu m'as engagé à fond. Tu m'as laissé t'aimer, m'enfoncer, me prendre. Tu m'as traîné, lanterné, jusqu'à ce que l'amour te tombe du ciel. Et comme je te dérangeais, c'est faux. Je ne pouvais me résoudre à vous causer la moindre peine. Avant que je sache, cette rupture me torturait. Je l'ai dit à Michel, je ne pouvais pas lui donner une plus grande preuve d'amour. Aimes-tu Michel? Au compte de qui m'interrogez-vous? à son compte ou au vôtre. C'est son père qui te parle. Et Michel t'aime. Il en donne la preuve s'il savait, s'il apprenait la vérité. Il nous haïrait, il me tuerait, et il en mourrait. Mais il n'est pas question qu'il l'apprenne. Ah, vous êtes bon, Georges. Je savais bien qu'après le premier choc, je n'aurais plus à plaider ma cause et que le bonheur de Michel passerait avant tout. Le bonheur de Michel. Ma vie entière ne sera pas assez longue pour vous témoigner ma gratitude. Alors, tu t'imagines, purement et simplement, que je te donnerai Michel. Quoi? Tu imagines que je vais te laisser Michel? Vous plaisantez? Enlever Michel? Tout de suite? Hein? Qu'espérais-tu donc? Que j'allais m'incliner, me retirer, pousser Michel dans tes bras et supporter le reste de ma vie, le spectacle de ton triomphe? Vous êtes fou! Il s'agit de votre fils, du bonheur de votre fils, du bonheur de Michel! Quel bonheur établir chez une femme qui trompe, je te le demande, s'il y en a deux. Pourquoi n'y en aura-t-il pas un troisième, puisque tu trompais l'un? Qui me prouve que tu ne tromperais pas l'autre? Si ce n'est déjà chose faite. Georges, Georges, vous ne pensez pas ce que vous dites, vous ne le pensez pas. À vrai dire, non, je ne le pense pas. J'en étais sûr. Elle lui embrasse la main. Eh bien, Madeleine, eh bien, puisque ce troisième n'existe pas, que j'en ai la certitude, il faut l'inventer. Inventer, il faut inventer un jeune homme de votre âge, un peu plus âgé que Michel, que vous lui cachiez parce que vous en aviez honte, qui vous tient par la peau et qui espérait vous marier, vous mettre à l'aise. Vous vous moquez de moi, Georges. Vous m'éprouvez. Je n'ai jamais été aussi sérieux. Vous me proposez un crime, une horreur, une folie. Il faut, Madeleine, ou je dirai tout. À votre fils, à votre femme, Georges, ne t'inquiète pas de ma femme. Elle, je suis décidé à le lui dire, quoi qu'il advienne. Je le lui dois. Je l'ai négligé, délaissé, et je craindrais que les premières larmes de Michel ne l'attendrissent. Elle parlera. Elle parlera si tu la mets en demeure de parler à Michel, si tu t'accroches. Voilà donc. Vous avez entraîné Michel. J'avais raison de craindre. Il était naïf, confiant, crédule. Et en admettant que je mente, que je me salisse, que je raconte cette histoire à dormir debout, Michel ne me croira pas, il me connaît. Ne lui as-tu pas inculqué ta haine du mensonge? Tu ne peux pas lui mentir. Il te connaît. Et vous accompliriez ce crime. Vous vous laveriez les mains. Vous me l'arracheriez. Vous me laisseriez sans personne. Car n'espérez pas que je vous revoie. Me revoir? Non. Je suis guéri. Et je guérirai Michel. De l'amour? L'amour. L'amour, c'est fini. Je le guérirai d'un projet de mariage que les circonstances rendent inadmissible. Voix de Michel en haut de l'escalier. Vous avez fini, on peut descendre. Georges criant. Pas encore, nous causons comme de vieilles connaissances. Michel de même. Bravo, Madeleine, j'ai cassé une tasse, délivrez-nous vite. Il claque la porte invisible. Madeleine, Georges, quand ceux qu'on aime sont absents, on ne se rend plus compte qu'ils existent, on les aime. Comme les morts d'une petite mort. Ils ne vivent que dans notre cœur. Je parlais avec vous en rêve, dans un monde où rien ne pouvait m'ôter Michel. C'était des mots. Je viens d'entendre sa voix. Il existe, dans un monde terrible, où on peut me l'ôter, me le voler, je m'accroche, comme vous dites. Je l'aime et je le garde. J'ai réfléchi, Madeleine, tu es libre. Je parlerai donc, Michel saura qui était l'autre. Je le perdrai, mais nous le perdrons ensemble. C'est un chantage indigne. Il le faut. Georges, écoute-moi. Crois-moi. Me crois-tu assez naïf? Oui, naïf. Bon, noble. Tout ce que j'aimais et que j'aime en vous, tout ce que j'adore en Michel, je le lui ai dit que je vous aimais. Il s'est fâché presque. Ne soyez pas un monstre. Ne devenez pas un monstre. C'est toi qui souffres. Est-ce que je n'ai pas été assez puni par votre coup de théâtre, votre arrivée effrayante? Je pouvais rester morte sur place, je pouvais crier et tout découvrir. J'étais tranquille. Je savais que tu n'adorerais pas Michel si tu te laissais aller. Que si tu te contenais, tu adorerais Michel. Ah, tu vois bien, tu avoues, tu sais que je l'adore. Son malheur ne sera pas long. C'est ce qui vous trompe, Georges. Michel est un enfant. Les enfants se souviennent d'une peine comme d'un drame. Et vous aussi, vous êtes un enfant. On vous casse votre jouet. Vous vous butez. Ce n'était qu'un jouet. Que suis-je, Georges? Peu de choses. Beaucoup pour Michel. Michel a besoin de moi. Vous. Vous avez ce que vous me cachiez. Vous êtes chef de famille. Comment pouvez-vous comparer notre aventure construite sur du faux? Un faux nom, une fausse adresse, une fausse solitude et celle d'un être jeune qui se livre corps et âme. Sa mère refuserait. Mais vous êtes donc ses ennemis. Oh, on a coutume de dire cela des pères et mères qui ne laissent pas leurs enfants grimper aux arbres. Et sa tante, elle m'a aimé, jeune fille. Elle me garde un sentiment secret. Peut-être m'aime-t-elle en cachette. Elle te haïra. Si par ta faute on me ridiculise, on me tue à petit feu. Elle me verra aimer Michel et verra que Michel m'aime. Et si nous avons des enfants, des enfants! Mettre des enfants au monde pour ces abominations, ah, par exemple! C'est ignoble, ignoble! Je ferai mon devoir. Vous êtes un fou. Je suis un père. Vous mentez. Vous agissez par égoïsme. Vous n'êtes pas un père. Vous êtes un homme délaissé qui se venge. Soit. As-tu bien réfléchi à ce que provoquera notre aveu? Non, non, non, ne parlez pas. J'étais folle. S'il ne sait pas qu'il me quitte, je peux encore espérer. Il existe sans doute une chance, une justice. Mais s'il sait, il ne me reste plus rien. Laissez-moi du temps. Penses-tu? Ils attendent la fin de ce conciliabule interminable. Il faut que tu décides. Une fois, deux fois, je parle. Il se dirige vers les marches. Non! Elle le ramène. Tu feras ce que j'ai décidé? Tu le jures? Jure-le sur Michel. Je le jure sur Michel. Vous êtes un monstre. Merci de ne pas me faire le chantage du suicide. Tu vivras, tu travailleras et tu oublieras Michel. Jamais. Hop! Je ne parle pas, je parle. Tout pour qu'il ne sache rien. Je monte. Il s'engage sur les marches. Georges, je t'en supplie, Georges, encore un petit instant. Traîner servirait à quoi? Il monte l'escalier. Faites que j'ai la force. Georges, ayant monté les marches, disparaît et dit: Venez! Il descend, suivi de sa femme, de Léo et de Michel. Michel. Est-ce un homme, une femme, une plante, un personnage historique? Georges. Michel. Je vais être obligé de te faire du mal. Du mal? Il se tourne vers Madeleine et voit l'état où elle se trouve. Madeleine, qu'est-ce que tu as? Mon enfant, j'ai eu avec ton ami une longue conversation, pleine de surprises. Madeleine n'a pu te dire autre chose que ce que je t'avais appris. Elle était faible, elle a été courageuse, je l'ai confessé. Tu n'es pas seule. Madeleine est la première à regretter sur terre. Demain, les choses seront en ordre. N'est-ce pas, Madeleine? Pardonne-moi de te parler pour elle. Je le lui ai promis. Cet homme dont tu parles, elle est prête à te le sacrifier. Reste l'autre. Quel autre? Vous n'étiez que deux à ta connaissance. Vous êtes trois. De quel troisième parlez-vous? Sois un homme, Michel. Tu es jeune, très jeune. Tu connais mal les femmes et les difficultés de la vie. Cette jeune femme est amoureuse de moi. Elle est amoureuse de toi, je ne me mets pas en doute. Mais elle est esclave, si tu veux, d'un garçon du même âge qu'elle, qui n'est pas de notre milieu, qui se cache, qui l'épouvante, qui tire les ficelles, qui trouvait votre amour suspect, qui n'admettait que si la petite t'épouse et se case. C'est un mensonge, une invention. Je connais Madeleine. Madeleine, parle. Dis-leur que ce n'est pas vrai. Disculpe-toi. Je connais la vie de Madeleine de A jusqu'à Z. Tu mens! Yvonne, Michel! Michel, Madeleine! Madeleine, sauve-moi! Sauve-nous! Dis-leur qu'ils mentent! Chasse-les! Georges. Il est naturel que tu tombes de haut, mon pauvre petit. As-tu pensé que tu voyais très peu cette jeune femme, que ses nuits étaient libres, que. Mais qui? Comment? Où? Elle espérait un miracle, elle a tout essayé. Cet individu la tient. C'est une vieille histoire. Elle lui obéissait comme une somnambule. Elle le suivrait n'importe où. Mais si c'est vrai qu'elle crève! Il s'élance vers elle. J'exige, Yvonne, Michel, Michel, tu perds la tête, tu frapperas une femme, Michel, je la giflerai, une gifle, voilà ce qu'elle mérite. Il tombe à genoux, Madeleine, ma petite fleur, pardonne-moi, je sais bien qu'ils mentent, qu'ils veulent voir si je t'aime. Parle, parle, je t'en supplie, j'oubliais notre dernière nuit, notre journée, toi, Toi me tromper, m'épouser par calcul. Genre, je n'ai pas dit que cette jeune femme voulait t'épouser par calcul. Je t'ai dit qu'elle espérait se délivrer et sortir d'une influence qui la domine. Je t'ai dit qu'elle t'aimait et qu'elle avait ce garçon dans la peau. Ah, tout était clair, pur, joyeux. Et je marchais à fond, je deviens fou devant Madeleine. Mais qui est-ce? Elle affirme que tu ne le connais pas, que tu ne peux pas le connaître. Michel, il enlace sa mère, une vieille femme à cheveux jaunes. Et moi qui l'ai presque insulté, blessé, maman, Yvonne, les parents savent, mon amour, ils ont l'air ridicules, insupportables, trouble fait, mais ils savent. Allons, viens, ta pauvre vieille te reste. Là, là, Michel, il se dit, encore une fois, Madeleine. Réponse, c'est un mensonge, c'est un cauchemar, je vais me réveiller. Réveille-moi, Madeleine! Yvonne, prends ton calme. Michel, mon calme. J'attendais là-haut, je me morfondais, je me disais, papa découvre Madeleine, il convaincra Sophie. Tante Léo est déjà convaincue, je mourais d'impatience. J'étais sûr que la séance finirait dans les larmes et dans les embrassades. Et je trouve une dame qui se confesse, mon rêve qui s'écroule, une horreur sans nom. Mais Michel, et elle ose ouvrir la bouche, elle ose m'adresser la parole. Yvonne Michel, sois généreux, mademoiselle pouvait continuer, jouer la comédie, entortiller ton père, s'introduire chez nous, t'exposer à des chantages, à un scandale public. Elle a été assez propre pour nous prévenir à temps, à Madeleine. Je vous exprime notre reconnaissance. Si un jour, ah, assez, assez, je n'en peux plus, je n'en peux plus. Madeleine se sauve, monte les marches où elle pute et disparaît. La porte claque. Michel court après elle. Madeleine! Madeleine! Madeleine! Georges, laisse-la. Michel, emmenez-moi, sauvez-moi, non, je reste, je saurai. Georges, pourquoi savoir? Michel, tu as raison, papa. J'ai mon compte. Je ne veux rien savoir. Je veux décamper, m'enfermer dans ma chambre, me réfugier chez nous. Yvonne, on ne te dérangera pas. On te bercera. Je n'avais qu'à ne pas quitter la roulotte. Il te fallait une expérience. Ah, je m'en serais passé, merci. Comme tu es sage de ne pas sortir. Les gens sont immondes. Pas tous, Michel, tous. Et quel ordre, hein, Léo? On ne risque pas d'embrouiller les visites, de laisser traîner une canne, une chemise, un chapeau, des cendres, le confort moderne, quoi. Madeleine apparaît en haut des marches, livide, elle tient à peine debout. Madeleine, sortez. Michel, le numéro 3 s'impatiente, restez! Ah, c'est mon tour de prendre mes ailes. Cette femme a osé me dire qu'elle aimait le numéro 2. Elle l'aimait, et elle m'aime, et elle aime l'autre. Quel grand cœur! Il y a de la place pour tout le monde. Yvonne, mon petit. Madeleine s'effondre sur une des marches, Léo s'élance. Michel, reste, Léo, laisse-la. C'est du mélodrame, laisse-la s'évanouir. Yvonne, ne sois pas dure, elle pouvait se taire. Georges se glisse dans le vestibule. Michel, si papa n'avait pas mis au pied du mur, je marchais de pied ferme, je m'enfonçais dans les égouts. Sophie, papa, c'est bon de sentir des cœurs qui vous aiment et qui ne peuvent pas faire des combines. En route, je vide les lieux. Tante, maman. Il se dirige vers la porte. Où est papa? Il ne supporte pas les scènes, il a dû filer à l'anglaise. Yvonne, tant mieux. Michel, ses marottes ne lui réservent pas les surprises. Aussi charmante. Yvonne, tu trembles. Michel, pas le moins du monde. Si tu trembles, prends-moi le bras, mon chéri. Nous descendrons comme des invalides. Ils sortent. Yvonne, Léo, on ne peut pas laisser cet enfant toute seule dans un état pareil. Enlève-le, ramène-le. Je reste une minute. Merci, Léo. Elle sort en entendant la porte se refermer. Madeleine, Michel, Michel, mon Michel. Léo, là, là, là. Je ne vous abandonne pas. Calmez-vous, couchez-vous. Oh, madame, madame, oh, madame, et voilà, détendez-vous, madame, madame, vous ne pouvez pas savoir. Ah, si, j'ai deviné. Quoi? J'ai deviné que le numéro 2 et le père de Michel n'étaient qu'une seule et même personne. Mais comment avez-vous pu, pour ne pas s'en apercevoir, ma chère petite? Il fallait être aveugle, des aveugles dans le genre de ma sœur et de Michel. La scène était atroce, la chose sautait aux yeux, je le répète, il faut être Yvonne et Michel pour n'avoir rien vu. Vous me plaisez beaucoup, vous m'avez conquis, je ne savais pas. Je n'avais pas plus confiance en Georges qu'en Michel pour le choix d'une femme. Ah, je serais entré dans une maison en désordre, dans une nouvelle roulotte. Votre partie était peut-être gagnée du côté d'Yvonne, elle était perdue pour moi. Je ne venais pas comme votre allié, encore moins comme votre complice, j'ai le désir de l'être. C'est sans doute l'alliance de l'ordre contre le désordre. Toujours est-il que je passe dans votre camp. Hélas, madame, à quoi bon? C'est fini. Michel ne croit à personne et Georges recommencera ses mensonges. C'est fini. Rien n'est fini sur des bases fausses. Il n'y a de grave, de définitif que du vrai grabuge, du vrai mensonge, du vrai mal. Peut-être est-il exact que je ne suis pas faite pour votre milieu. Quel milieu, vous plaisantez? Écoutez-moi, allez, Madeleine! Je suis morte. Vous voulez que je vous ressuscite? C'est insoluble. M'écouterez-vous, Madeleine? Demain, à 5 heures, vous viendrez à la roulotte. Vous n'y pensez pas, madame, on me chasserait. Non! Est-ce possible? Léo, elle se remet du rouge aux lèvres et parle avec la grimace des femmes qui se remaquillent. Madeleine, il y a des moments où je me venge de l'amour, où il me révolte. Il y en a d'autres où l'amour me remue le fond en comble et gagne sa cause. Sait-on ce qui se passe en nous? Madeleine, ma petite, je suis un mélange de cette famille de saltimbanques et de je ne sais quoi. C'est la nuit du corps humain qui fonctionne. Ne cherchez pas à me comprendre, je suis un peu pédante de nature. Madeleine, Georges parlera. Léo, Georges se taira. Je vous l'affirme. Il m'a juré. Ah, il se vengeait. Demain, il sera un père noble qui protège son fils. Il a été un monstre. Oh, non, pas été un monstre, ma petite. Georges est un enfant, un inconscient. Il peut faire un mal atroce sans se rendre compte. Madame, madame, comment vous exprimez ma reconnaissance? Ah, ça, non. Ah, ça, non. Pas de reconnaissance, voulez-vous? Sait-on qui on est? Sait-on de quel geste on est capable lorsque le bateau coule? Ou commence-t-on à servir les autres et à se servir soi-même? C'est de l'hébreu. Pas de reconnaissance, ma petite. Dans les catastrophes, ceux qui sont incapables d'entraide peuvent sauver un groupe qui se noie. Votre cœur est bon, hein? Pas bon. J'ai un cœur, comme tout le monde. Et la haine du désordre. Le désordre fait ici par Georges me dégoûte. Il faut laver, repasser, ranger ce linge sale. Venez demain. Mais il n'y a pas de mais. À 5 heures, c'est un ordre. Jurez-le-moi sur Michel. Sur Michel. Je le jure sur Michel. Sur Michel. Parfait. Et dormez, soyez ravissante. Vous gonflez pas les yeux. Elle se lève, sort une carte de son sac et la pose sur la table. Ma carte. Après ce cauchemar moche de l'histoire ancienne, je t'adopte. Elle se dirige vers la porte. Ne me reconduisez pas, madame, et surtout, ne me remerciez pas, parce que vous savez, les remerciements. Rideau.